Avec quelques franc-pounaïfs, la bide comme l'eau d'une fontaine. Il touche la corde sensible dès qu'on sait la bombe humaine. Profitez de la confusion qui règne dans la société pour attiser des tensions contre ce qui est étranger. Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. Ils prônent des valeurs séculaires, tout comme leur paix sur soi, pour éviter les influences qui risquent d'ébranler leur foi. Racisme et nationalisme ont toujours su cohabiter. Ils font feu de tout poids, c'est sûr, pour colporter leurs idées. Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. Mais pas les armées qu'ils engagent. Choisis donc tes amis et combat-les avec rage. Le seul bon fasciste est celui qui est hors d'affaire. Sera-t-il aussi arrogant si tu es sous terre? Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. Ne passera, oh oh oh oh. Ne passera, ils ne passeront pas. La jeunesse emmerde le Front National.